Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, Gaëtan Gosselin au microphone depuis les studios de CKRL. CKRL de 89.1, la radio qui aime le son. D'abord, meilleurs vœux pour l'année à venir, l'année qui s'amorce. C'est encore le moment, je pense. La Croche-Oreille vous offre chaque semaine 60 minutes de transmission radio dédiée aux arts sonores et aux musiques nouvelles ou encore qu'on appelle actuelles. Tout ça à travers l'expression des artistes qui les créent. Je vous présente ce soir des créations imaginées par trois explorateurs sonores qui combinent des textures, des trames et des ambiances qui appartiennent tout autant à la culture musicale qu'à l'expérimentation sonore. En première partie d'émission, on va écouter des œuvres glanées dans le répertoire sonore des artistes Madeleine Coccola et Patrick Graham. En seconde demi, on fera ensemble une brève incursion dans l'univers sonore de l'artiste Adi Bastani. Je vous les présenterai de manière plus importante en cours d'émission. Et pour lancer la balle sonore, je vous propose qu'on écoute une magnifique création de Madeleine Coccolas intitulée « A Memory Blown Out ». C'est tiré de l'album Spectral dont on entendra d'autres extraits en cours de soirée. Alors, on écoute Madeleine Coccolas. Quelle belle découverte que ce travail de l'artiste, compositrice et musicienne Madeleine Kokolas, originaire d'Australie et dont la démarche est principalement caractérisée par une facture instrumentale qu'on appelle post-classique. Je mets ça en guillemets. Son travail est très diversifié, proposant des paysages sonores habités de tonalités musicales, comme on vient d'entendre, et d'enregistrements sur le terrain, comme on verra dans le prochain extrait. On va constater par ailleurs que le piano est son instrument de prédilection. On le retrouve là, qui vient à sortir certaines de ses compositions. Parmi les magnifiques albums de Madeleine Kokolas, je vous propose des extraits de l'album Spectral, tout récent. Un album qui est une sorte de journal sonore réalisé à partir d'enregistrements réalisés au cours de la vie quotidienne. À l'époque, raconte Madeleine, je ne savais pas pourquoi je collectionnais des sons. Ça m'aidait sans doute à rester connecté à mon environnement. Avec le téléphone à portée de main, prêt à enregistrer, j'ai trouvé de la beauté, du sens dans cette collection de sonorités. Je referme les guillemets. On écoute une autre pièce, cette fois création intitulée « And then I watch it fall apart », que je traduis librement et puis je le regarde s'effondrer. Thank you. Très belle pièce de Madeleine Cocolas. Toujours à propos de cet album intitulé Spectral, Madeleine Cocolas raconte qu'à partir de cette collection d'enregistrements qu'elle a réalisée, il était pour elle naturel de construire cette œuvre, cette création à partir de couches sonores les unes sur les autres afin d'exprimer certaines des émotions et des souvenirs que les sons ont déclenchés. Spectral, dit-elle, parle d'immobilité, d'observation et de perception en lien avec la vie émotionnelle. On écoute une dernière pièce intitulée celle-là « In Waves ». Alors, c'est l'accroche-oreille sur les ondes de CKRL. Je vous rappelle que vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site l'accroche-oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Alors, on vient de compléter le premier segment avec Madeleine Cocolas. Quel plaisir maintenant de vous présenter des créations du multi-percussionniste montréalais Patrick Graham. Dans un autre style, cette fois, c'est une autre belle découverte en ce qui me concerne. On le présente comme un compositeur, mais surtout comme un maître de l'improvisation sur un éventail très riche d'instruments percussifs. Ses créations sont vraiment merveilleuses. Sa grande passion pour le son et la richesse de ses interprétations l'auront conduit à travers le monde des percussions occidentales contemporaines aux traditions de tambours et de rythmes de la Méditerranée, du Moyen-Orient, de l'Inde, du Japon et j'en passe. Je vous présente ce soir quelques extraits d'un album intitulé Lumina, très bel album dont je vous parle au retour. On écoute pour se mettre dans l'ambiance un très beau titre qui s'intitule La Terre m'enlace. Que d'émotion et de subtilité dans cette magnifique pièce tirée de l'album Lumina de Patrick Graham, son deuxième album solo, réalisé en 2019. Il s'agit d'une collection intime, dit-il, de pièces improvisées qui reposent sur l'exploitation d'un instrumentarium unique de son et de percussion. On raconte à propos de Patrick Graham qu'il excelle à fusionner un éventail éclectique d'influences et un intérêt profond, très fort pour les nouveaux sons et l'impro. Diplômé en musique de l'Université McGill à Montréal, il se produit, tourne et enregistre régulièrement avec le collectif Constantinople, Trifolia, Small World Project, Thomas Carbou et de nombreux autres ensembles. C'est un interprète hors pair. On écoute cette fois une création intitulée Factory Floor, toujours de cet album intitulé Lumina. Je complète la première demi de l'émission avec une dernière pièce de Patrick Graham. C'est tiré de son dernier album solo intitulé Réfraction. C'est un album qui résulte d'un travail réalisé à la maison dans le contexte de la crise sanitaire. Lui aussi, il n'a pas échappé à ce contexte qui a été pour certains très favorable à la création. J'ouvre les guillemets, il dit ceci. Cela a marqué ma première incursion dans la prise de contrôle des aspects techniques de ma propre musique, travaillant principalement à domicile, un mélange de sons, de percussions acoustiques et de techniques de mixage numérique. L'album Réfraction est un pas dans une nouvelle direction. Je referme les guillemets. On écoute une création tirée de cet album intitulée Stars, au pluriel. C'est tiré de l'album, voilà, Réfraction. Alors, on écoute ça. Alors voilà ce qui complète la première demi. Restez à l'écoute. Je vous reviens avec les créations récentes de l'artiste d'origine iranienne, Adi Bastani. En attendant, on poursuit ça brièvement avec Patrick Graham. Vous écoutez La Croche-Oreille. Thank you. Alors, c'est la croche-oreille qui se poursuit sur les ondes de CKRL de 89.1 et sur ckrl.qc.ca, sur la toile, parce qu'on peut écouter l'émission sur la toile quand on est un peu éloigné de Québec. Je vous rappelle que vous retrouverez la source ainsi que les pièces entendues ce soir sur le site La Croche-oreille, ainsi que les émissions archivées jusqu'à maintenant. Et sans tarder, j'entame avec vous une deuxième séquence sonore avec l'artiste d'origine iranienne Hadi Bastani. C'est un compositeur, un artiste sonore, musicien et anthropologue. Il combine tout ce savoir, sa démarche artistique épuise largement, d'ailleurs, il va s'en dire, à cet univers de chercheur universitaire, puisqu'il explore depuis quelques années les relations qu'entretiennent les sons, les sonorités avec les processus de changements sociaux. D'origine iranienne, son travail artistique est particulièrement inspiré, vous vous en doutez bien, par les transformations sociales qui s'opèrent en Iran depuis un bon moment, depuis la Révolution. Ses compositions, ses installations, performances, enregistrements sur le terrain, productions radiophoniques et œuvres immersives ont été présentées dans de nombreux événements, ainsi que sur plusieurs plateformes et événements internationaux. Je vous présente ce soir des extraits d'un album tout récent intitulé « Émergence ». C'est paru sur le label Flaming Pines. Le premier titre de l'album intitulé « Sarsian Cinemas », je vous le fais entendre. C'est une création très intéressante. Adi Bastani, d'origine iralienne, un titre tiré d'un album intitulé Émergence, qui est inspiré par une sorte d'illumination, un état d'éveil artistique très lié à la migration d'un jeune Iranien, Adi Bastani, qui migre en Occident. Cet éveil, raconte Bastani, émerge au contact de compositeurs, de producteurs et d'artistes iraniens dont les œuvres et les mots ont constitué la base de sa recherche universitaire. La recherche était un moyen de redécouvrir l'espace que j'avais laissé derrière moi, dit-il. Ce projet, intitulé Émergence, est une sorte de balade, un récit de voyage, le récit de voyage d'un réfugié. C'est mon histoire, dit-il, celle d'un nomade de l'Est qui trouve refuge dans le milieu universitaire de l'Ouest pour réinventer la musique dans les ruelles de ma lointaine maison. C'est aussi un journal intime qui narre de façon anachronique les différentes étapes de ce voyage. En somme, Émergence combine des enregistrements de terrain, des enregistrements d'objets trouvés, des improvisations en direct, des sons recyclés, des sons de voix, tout ça réalisé à Téhéran et à Belfast sur une période de 10 ans. C'est un paysage sonore, un dialogue entre deux espaces-temps, deux cultures, deux modes de vie, deux modes de penser, de socialiser. Tout ça inspiré par un contexte social très particulier. Je referme les guillemets. On va donc écouter ensemble une création intitulée « Impulse Résonance ». Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir sur les récentes créations, quelques créations sonores de l'artiste iranien Adi Bastani, qui était précédé en première demi des créations de l'Australienne Madeleine Kokolas et du Québécois Patrick Graham. Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres que vous retrouverez notamment sur les plateformes Bandcamp, SoundCloud ainsi que sur les labels Flaming Pines et Room 40 notamment. Cela dit, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL et sur le web, bien sûr, pour une autre aventure sonore. Pour terminer, on écoute une création d'Adi Bastani. C'est tiré de ce bel album intitulé Émergence, dont on a entendu quelques pièces. On écoute un extrait de la pièce Interférence. Voilà, tout est dit pour ce soir. Au microphone, Gaëtan Gosselin, qui vous salue.